commentaires sur mes activités de diffusion web et également l'actualité de la crise sanitaire en fin de capsule. Donc, voilà ce qui est au programme là, dans le cadre de cet enregistrement. Donc, en fait, à travers mes activités de diffusion sur Internet, je vise à œuvrer à différents niveaux. Donc, il faut comprendre l'esprit de ma démarche dans le sens que dans certaines capsules audio que je vais produire, je vais viser tout simplement à faire un commentaire sur l'actualité ou à relayer des informations que je trouve intéressantes sur le web. Ça peut être des vidéos, ça peut être également des articles que j'ai lus. Et récemment, là, j'avais partagé là, une capsule où ce que je partageais des liens par rapport à des vidéos, notamment des documentaires comme « Ceci n'est pas un complot » que j'avais trouvé intéressant. Donc, pour vous en faire bénéficier là, des découvertes que j'ai faites au fil des semaines. Donc, ça, c'est un niveau qui est un peu plus journalistique. Donc, par rapport à des données, des informations. C'est sûr que de faire un commentaire journalistique en lien avec l'actualité, je trouve ça intéressant. Et comme je me considère être un être multidimensionnel, je me permets d'œuvrer à différents niveaux. Et là, c'est sûr qu'il y a des personnes qui peuvent trouver ça particulier là, naturellement sur ma chaîne YouTube, parce qu'à un moment donné, je vais faire un commentaire plus sur l'actualité dans un esprit journalistique. Un autre moment donné, non. Je vais vous aider à faire une canalisation en relation avec certains sujets. Donc, parler à un niveau de type médiumnique. Donc, lorsque je relaie de l'information, c'est que je pars de l'extérieur pour partager certains éléments, tandis que dans une démarche de canalisation que je vais faire à travers certains des enregistrements, ben, je pars de mon intériorité pour vous partager qu'est-ce qui émerge en moi. Qu'est-ce que ça me dit intérieurement? Et là, c'est dans un esprit qui peut être complémentaire avec un commentaire journalistique qui s'adresse un peu plus à l'intellect, tandis que quand je fais des enregistrements qui visent à faire de la canalisation, bien, l'objectif, c'est de générer une parole qui est vibratoire, une parole qui n'est pas le fruit de la réflexion, mais de l'émission de mon être dans sa totalité, dans sa multidimensionnalité à travers mes propos. Donc, c'est une démarche qui est plus de nature médiumique, une démarche plus de nature intuitive. Donc, c'est différent d'une démarche d'analyse intellectuelle, là, journalistique, là, mais ça peut être complémentaire. Et des fois, d'une manière un peu plus intuitive, je peux commenter certains éléments intellectuels. Donc, en fait, les styles peuvent se mélanger, là, bien entendu. Ensuite, sur ma chaîne YouTube, vous allez retrouver également des entrevues que je fais avec des invités, voire des discussions. Il y en a plusieurs enregistrements que je fais avec des personnes que j'ai décidé d'intituler « Discussions en conscience » pour que la forme soit libre, pour donner l'opportunité à travers l'enregistrement audio d'aller dans plusieurs directions plutôt que me contentonner, à me limiter à un sujet qui est abordé en profondeur. Mais je travaille à plusieurs niveaux. Donc, si je prends par exemple un enregistrement que j'ai fait récemment qui s'intitule « Canalisation sur la construction du corps d'énergie », bon, ce dernier visait à aborder en profondeur ce sujet de manière particulière. Tandis que dans un enregistrement qui s'intitule « Discussion en conscience » avec un invité, on peut parler d'une variété de sujets. Et le but de ce type de communication, c'est d'amener un cadre suffisamment ouvert pour permettre une improvisation et suivre l'élan énergétique qui se manifeste dans l'instantanéité du moment présent. Donc, être au-delà d'un esprit de calcul. ce qui est très différent d'une démarche journalistique. Parce que dans certaines vidéos où je vais faire allusion naturellement à des informations en lien avec des documentaires dans un esprit de partage, de lien, ben j'ai la liste devant moi là, des différentes références de documentaires ou d'articles. Donc, c'est une démarche où il y a un plan. Il y a quelque chose d'élaboré, tandis que dans le cadre d'une improvisation sur un sujet, prenons par exemple l'enregistrement, la canalisation que j'ai faite récemment sur la construction du corps d'énergie, j'avais pas de plan devant moi, là, d'éléments à aborder. La façon que je procède, c'est que je ferme les yeux et je regarde qu'est-ce qui émerge en moi, puis je laisse parler. Donc, c'est une dynamique qui est différente. Sinon, dans mes activités aussi, il y a celle d'archiviste du matériel que Marc de la Salle a produit. Marc de la Salle, c'est un invité que j'ai reçu pendant plusieurs années. J'ai fait avec lui des entrevues là, de l'année 2011 à 2020. J'ai de nombreux enregistrements qui ont été produits. Et tout récemment, j'ai discuté avec Chloé, qui a été sa compagne et qui m'a donné l'autorisation de faire la diffusion totale de tout le matériel qui existe par rapport à cet auteur et conférencier qui vise la diffusion d'une vibration supramentale. Donc, qui ont été produits. Donc, non seulement je peux diffuser sur le web mes enregistrements que j'ai faits avec lui dans le cadre d'entretiens, mais également des enregistrements privés de Marc de la Salle en audio et aussi en vidéo. Donc, j'ai présentement à ma possession une banque d'enregistrements de Marc de la Salle là, qui est quand même immense. Là. On parle d'une centaine d'enregistrements qui ont été produits au fil du temps. Donc, j'ai accès à ça et au compte-gouttes, au fil des prochaines semaines, je prévois rendre disponible de ces enregistrements. Pourquoi que je dis au compte-gouttes, c'est que avant de mettre des enregistrements en ligne, je les réécoute. Étant donné que nous vivons présentement à une époque où la censure est grandissante sur le web, donc vous le savez, au fil des derniers mois, des YouTubers, des lanceurs d'alerte, notamment en lien avec la crise du coronavirus pour dénoncer des aberrations qui se déroulent par rapport à la crise, ont été censurés d'Internet. Bon, il y a eu Alexis Cossette-Trudel, Jean-Jacques Crèvecœur, André Pitre, et il y en a eu d'autres aussi, là, naturellement. Et c'est sûr que présentement, de parler sur le web, c'est de plus en plus délicat. Et à cause de la censure qui est grandissante, et c'est sûr que, bon, en diffusant du matériel, entre autres, sur YouTube et les réseaux sociaux, j'ai, dans un premier temps, m'assuré que le matériel respecte certains standards, donc de ne pas avoir des propos qui sont considérés comme étant haineux, racistes, sexistes, xénophobes, et ainsi de suite. Donc, j'ai à prendre en considération cela. Et respecter aussi la sensibilité actuelle des gens. Ce qu'il faut comprendre, c'est notamment par rapport à Marc de la Salle, que lorsqu'il s'adressait à un public en privé, dans le cadre d'enregistrements payants, qui était destiné à un public restreint, eh bien, il y avait un niveau de parole particulier parce que c'était pas n'importe qui pouvait tomber sur ces enregistrements, c'est-à-dire que c'était des gens qui avaient eu la volonté de se procurer l'enregistrement ou d'assister, par exemple, à l'une de ses conférences, parce qu'il donnait des conférences ici au Québec, qui ont été enregistrées. Donc, j'ai ces enregistrements solo en privé, j'ai ces enregistrements de conférences, puis j'ai également les enregistrements là, que j'ai faits avec lui d'entrevue. Donc, il y a beaucoup de stock. J'en ai sans doute pour plusieurs années là, à tout diffuser ça sur Internet. Donc, par rapport à ça, ce qu'il faut comprendre, c'est que des enregistrements, notamment ceux de conférences, qui s'adressaient à la sensibilité vibratoire des gens qui sont dans la salle, qui est particulière. Donc, ça ne s'adressait pas nécessairement au public en général. Donc, ça n'a pas été fait dans cet esprit-là. Donc, c'est sûr que moi, je vais réécouter. Là. D'ailleurs, c'est commencé depuis le début de l'automne, les enregistrements de Marc de la Salle. Puis, je me permets de faire un montage dans l'optique de diffuser qu'est-ce que j'évalue que la sensibilité des gens, dans le fond, est capable d'intégrer là, dans le public en général. En fait, j'évalue. Vous voyez, ça serait juste ce que ça me dit intérieurement, c'est que j'ai juste à suivre la vibration de ce que je sens que je dois diffuser sur le web. Je n'ai pas à réfléchir par rapport à ça intellectuellement, mais j'ai regardé vibratoirement. Ça va se faire en suivant le filon énergétique qui se rattache à la nature de l'enregistrement. Donc, voilà ce que ça me dit intérieurement par rapport à ça. Donc, par rapport à Marc de la Salle et ses enregistrements, de son vivant, lorsqu'il était sur Terre, il a produit des enregistrements payants qui visaient entre autres à s'adresser à des gens qui sont réellement concernés par une démarche de conscientisation. Donc, c'est sûr que le fait que les enregistrements étaient payants, ça avait une fonction de sélectivité. Et aussi, ben, c'est une façon de vivre, dans le sens que le but de vendre des enregistrements, c'était de lui permettre de vivre décemment, d'être capable de s'alimenter, de payer son loyer, de payer les frais aussi, associés au fait qu'une automobile, donc d'être capable de fonctionner dans le quotidien. C'est dans l'esprit de cette démarche, entre autres. Et bon, là, présentement, la situation a changé parce que, bon, depuis le mois d'août 2020, il n'est plus sur le plan physique. Donc, à ce moment-là, ben, c'est sûr que le rapport qu'il y avait aux enregistrements a changé, là, naturellement. Et là, présentement, suite à des discussions avec Chloé, il a été déterminé que le matériel serait accessible. D'ailleurs, elle a rendu disponible ses livres qu'il a produits, des documents en PDF là, que vous pouvez retrouver sur le site de la boussole supramentale. Vous allez avoir les détails là, des coordonnées là, en bas de l'enregistrement à présent. Et c'est sûr que l'optique de rendre disponibles les enregistrements, en fait, c'est de rendre, entre autres, hommage à la qualité de son travail, de son vivant. Marc a été un invité marquant que j'ai reçu au fil des ans. Ça a été un invité mémorable sur ma chaîne YouTube. Donc, c'est sûr que des animateurs qui ont eu des invités mémorables ou des intervieweurs, il y en a eu plusieurs. Si on pense entre autres à Richard Glenn, qui a eu comme invité mémorable Bernard de Montréal. Et d'ailleurs, on voit une fois de temps en temps là, dans les vidéos de Richard Glenn des extraits d'entretien qu'il avait fait là, avec Bernard de Montréal. Et une fois de temps en temps, il va diffuser là, du matériel en lien avec Bernard de Montréal, même s'il est décédé depuis 2003. Donc, ça revient continuellement, puis ça a été sans doute par rapport à l'émission ésotériste expérimentale qu'il anime toujours, en fait, l'un des invités mémorables qu'il a reçu. Et de mon côté, ben, l'invité mémorable, ben, c'est pas Bernard de Montréal, parce que quand j'ai commencé à faire mes activités de diffusion web, là, il était décédé. J'aurais aimé ça l'interviewer, remarquer, là, mais c'est pas possible. De mon côté, c'est plus Marc de la Salle. Il m'a amené à aller plus loin par rapport à l'étude de certains sujets. Et depuis les dernières semaines où j'ai rendu disponible certains de ces enregistrements, il y a des nouvelles personnes qui le découvrent. J'ai reçu de la part du public, notamment là, sur Facebook, de nombreux commentaires d'appréciation par rapport à la qualité de son travail. Et c'est sûr que, sans doute avec le temps, il y aura de plus en plus de personnes qui vont découvrir ces enregistrements. Et il y en a plusieurs avec des sujets intemporels. Prenons par exemple l'enregistrement qui s'intitule « Les nouveaux initiés ». Donc, ça a une portée à long terme. C'est pas comme un commentaire de l'actualité journalistique. Ensuite, il y a des sujets, là, que ce soit, par exemple, le mensonge cosmique. Donc ça a une portée naturellement à long terme. Ben, ça fait longtemps qu'on se fait mentir. Puis, en regardant qu'est-ce qui se passe dans l'actualité et la désinformation qu'on connaît présentement, j'ai l'impression que le mensonge, là, il risque d'en avoir encore pendant une bonne période de temps. Donc, autrement dit, il y a des capsules qui ont été enregistrées il y a plusieurs années, qui ont été produites avec lui, qui, à mon avis, vont pouvoir être écoutées dans 5 ans ou dans 10 ans, qui vont emporter encore quelque chose. De par la nature intemporelle de certains sujets qui ont été traités. Donc, voilà ce que je voulais mentionner. Fait que, donc, vous pouvez voir sur ma chaîne YouTube, là, il y a quand même une variété là, de types de vidéos que je vais produire. Donc, c'est sûr que s'il y a des gens qui s'attendent à avoir juste des vidéos de commentaires journalistiques en lien avec la crise du coronavirus, ça se peut que vous soyez déçus. Puis, au contraire, il y en a qui vont peut-être aimer mieux des enregistrements plus de type canalisation. Fait que c'est sûr que à ce moment-là, vous pouvez être déçu aussi. Mais l'idée, à travers cette chaîne, c'est d'œuvrer à plusieurs niveaux. Donc, plutôt que de me limiter juste à quelque chose. Donc, à ce moment-là, ben, ça permet à la multidimensionnalité de mon être de pouvoir s'exprimer à travers mes activités, de manifester différentes parcelles de moi. Pour ce qui est des enregistrements archivés de Marc de la Salle, ce qui peut être intéressant, c'est de vous mentionner que là, j'ai évalué une classification là, que j'ai décidé d'utiliser. Donc, vous allez les retrouver sur archive.org. Donc, dans mon dossier d'enregistrement en MP3, donc format audio de Marc de la Salle, vous allez voir que les enregistrements qui commencent par la lettre C, comme dans conférence, c'est des enregistrements que Marc de la Salle a produits devant le public, devant une salle avec des individus. Tandis que les enregistrements que j'ai faits avec lui vont s'intituler « Marc et David ». Et pour ce qui est des enregistrements de Marc qui ont été produits en vidéo pour le web, vous allez avoir la lettre V devant pour « vidéo ». Et quand que c'est Marc tout simplement qui va parler en solo, ben, ça va s'intituler tout simplement « Marc ». Donc, l'idée de faire ça, c'est qu'au fur et à mesure que je vais mettre de plus en plus d'enregistrements dans le dossier d'archive.org, bien, vous allez pouvoir retrouver les enregistrements par catégorie. Ce qui fait que si vous avez envie d'entendre une conférence de Marc devant le public, bien, vous allez pouvoir écouter un enregistrement avec la lettre C. Ou au contraire, si vous voulez écouter une de mes entrevues avec Marc, ben, ça va être marqué « Marc et David ». Donc, tout dépendant de ce que vous avez envie d'entendre. Donc, ça va être la façon de vous repérer. Donc, voilà la petite mise en contexte que j'ai décidé de faire pour vous éclairer par rapport à la nature de mes activités de diffusion web présentes et la tangente là, que j'ai pris là, depuis un certain nombre de semaines. Donc, soyez pas surpris si dans les prochaines semaines, vous voyez des capsules de moi en solo, qui va commenter l'actualité, qui va faire aussi dans d'autres capsules de la canalisation, puis une fois de temps en temps, apparaître sur ma chaîne YouTube un enregistrement là, de Marc de la Salle là, qui va être diffusé, en plus naturellement là, des entrevues avec des invités. Je peux en faire probablement des nouvelles là, dans les prochaines semaines aussi. Donc, à présent, je vais faire mon commentaire sur l'actualité. Donc, et vous allez retrouver les liens web des documents auxquels je fais référence là, en bas de l'enregistrement présent. Donc, vous pourrez cliquer là, sur eux là, si vous voulez en savoir davantage là, naturellement. Donc, là, je tombe dans un volet un peu plus journalistique. Alors, l'ONU confirme que les autorités briment nos droits. Voilà le titre d'une vidéo sur YouTube qui a été diffusée sur Média Info Cité, où on peut y entendre Antonio Guterres, qui est le secrétaire général de l'ONU actuellement, qui dit ça. Donc, c'est une vidéo, elle n'est pas longue, là. Ça dure un peu plus d'une minute, mais qui fait vraiment une synthèse de qu'est-ce qui se passe présentement au niveau international là, par rapport à la crise du coronavirus. D'ailleurs, en lien avec la vidéo, je vais vous partager aussi un article que vous allez avoir le lien là, en bas de l'enregistrement, comme les autres documents auxquels je vais faire référence. Je vais vous en lire une partie. Donc, le secrétaire général de l'ONU a déploré que la pandémie soit utilisée par certains pays pour réprimer les voix dissonantes, brandissant la pandémie comme prétexte. Les autorités de certains pays ont pris des mesures de sécurité sévères et adopté des mesures d'urgence pour réprimer les voix dissonantes, abolir les libertés les plus fondamentales, faire taire les médias indépendants et entraver le travail des organisations non gouvernementales, a déclaré le chef de l'ONU. Plus globalement, ces restrictions liées à la pandémie ont servi d'excuses pour miner les processus électoraux, affaiblir les voix des opposants et réprimer les critiques. Donc, le secrétaire général de l'ONU déplore ça, ben, je trouve ça intéressant. Bravo! Parce que là, depuis le début de la crise, eh bien, ce qu'on peut observer, là, c'est que, à quelque part, là, présentement, au niveau gouvernemental, là, les autorités, là, de ce que j'observe, là, c'est qu'il y a eu des abus d'autorité, là, de pleine part, et c'est bien que ça soit dénoncé sur la place publique. Et la réprimande des critiques, là, ça se fait dans différents pays, là. On le voit au Canada. Donc, toutes les personnes qui critiquent les mesures sanitaires sont dépeintes, entre autres, par des chroniqueurs vedettes, des médias de masse qui sont subventionnés massivement par le gouvernement pour les traiter de covidiots, de complotistes, pour les discréditer, et en faisant, en plus, des attaques personnelles. Donc, c'est ce qu'on observe présentement, là. Et là, on parle pas de qu'est-ce qui se passe en Corée du Nord ou dans des dictatures qui est clairement établie, là. On regarde qu'est-ce qui se passe et je sais que pour les gens qui m'écoutent en France, en Belgique, en Suisse et un peu partout dans le monde, vous êtes confrontés à des situations analogues. Donc, même dans des démocraties là, qui sont établies là, depuis plusieurs décennies là, dans des pays occidentaux, il y a présentement un mouvement de réprime, membre de tout ce qui ne va pas dans le sens du discours unique qui est véhiculé par les autorités gouvernementales. Donc, tout ce qui ne va pas dans le sens des autorités sanitaires, donc hors de la doctrine sanitaire, point de salut. Et c'est pas juste des gens qui vont affirmer des choses. Le simple fait de poser des questions, dans le fond, en lien avec la crise, ben ça peut être mal interprété. Donc, on est dans une situation où l'esprit critique est dévalorisé et on est amené, à travers un conditionnement social à coût de millions à chaque mois, avec des publicités qui sont très fortes, très persistantes, très présentes, que ce soit à la radio, à la télévision, sur le web, à nous endoctriner. On cherche à nous endoctriner avec des croyances en lien avec le coronavirus, la menace, l'importance des gestes barrières. Et présentement, l'étape qui est franchie, c'est de nous vendre, entre autres au Québec. Là, il y a quelques jours, j'écoutais un bulletin de nouvelles sur les ondes de TVA et il y avait un message gouvernemental qui disait, à travers une pub gouvernementale, que le vaccin est la seule solution face à la menace du coronavirus. Donc, c'est une publicité pour amener l'adhésion au vaccin. Et là, on nous présente ça. Et quand que j'ai entendu ça, là, une dissonance intérieure là, qui a été très grande en moi parce que ça m'a dit intérieurement, non, c'est pas vrai que c'est la seule solution, le vaccin. Il y a des alternatives. Il y a l'hydroxychloroquine que nous parle là, depuis plusieurs mois Didier Raoult en France, célèbre virologue. Il y a aussi l'artemisia. Il y a aussi, bien sûr, de renforcer son système immunitaire par un mode de vie qui est sain. Donc, il y a plusieurs façons de faire face au coronavirus. Donc, l'idée de tout mettre les œufs dans le même panier en disant que ça passait nécessairement par le vaccin pour nous sauver, donc, c'est une aberration à mes yeux, là. Donc, c'est une insulte à mon intelligence. Et pour moi, c'est une façon d'inclure une forme qui est très importante. Donc, autrefois, au Québec, on disait « hors de l'Église, point de salut », et les gens qui étaient fortement ancrés dans la religion croyaient qu'en dehors de Jésus, il n'y avait pas d'autre sauveur ou il n'y avait pas d'autre façon là, qui puisse s'en sortir. Donc, c'est un petit peu la même mentalité. Donc, le vaccin, c'est la seule solution. Mettre votre vie entre les mains de Jésus, c'est la seule solution. Donc, il y a des parallèles des fois que je me permets de faire parce qu'on cherche à amener des croyances et présentement, ben c'est sûr que les gens qui nous gouvernent ne le font pas nécessairement avec une science multidimensionnelle et ne le font même pas avec en s'appuyant sur la science cartésienne, la science intellectuelle qui est véhiculé par la santé publique. Donc, au Québec, François Legault, François Ier, à ne pas confondre avec le pape de la religion catholique, mais François Legault, qui est le premier ministre du Québec, a fait des décrets sans s'appuyer sur les recommandations de la santé publique québécoise. Donc, à ce moment-là, c'est des décrets qui sont arbitraires et qui peuvent mener à des abus d'autorité. Parce que si l'individu ne s'appuie pas sur un savoir certain, donc la science matérialiste, à défaut de rien, et qui n'a pas accès à une conscience vibratoire multidimensionnelle et qui s'appuie à des croyances, en réalité, pour prendre des décisions, puis vit beaucoup à la peur, ben, qu'est-ce que ça donne? Ça donne, par exemple, la fermeture depuis plusieurs mois des centres d'entraînement, des commerces, que ce soit des cinémas, des restaurants, et tout ça en s'appuyant pas sur la science. Donc, autrement dit, il n'y a pas de recommandation, par exemple, de la santé publique ou d'observation, d'éclosion massive là, de gens contaminés, par exemple, dans les salles d'entraînement. Puis, il y a certains lieux publics comme les spas. Il n'y a pas eu de cas, mais on les ferme pareil au cas où que peut-être il y a de la contamination. Et là, si la personne vit beaucoup à la peur, ben la personne peut prendre des mesures de plus en plus restrictives et parfois, ça peut même faire sourire. Prenons par exemple le cas du ministre de la Santé au Québec, Christian Dubé, qui est à la base un comptable. C'est pas un virologue, c'est pas un médecin praticien, c'est pas un spécialiste, non. C'est quelqu'un du secteur de l'économie, des finances, qui dirige le ministère de la Santé et qui va se mettre deux masques au visage en pleine conférence de presse, en nous disant qu'en portant deux masques, un par-dessus l'autre, on diminue le risque de contamination du coronavirus. Donc, il dit « on n'est jamais assez prudent ». Et quand il dit la phrase, alors qu'il faisait une conférence de presse devant le public, j'ai capté dans la vibration la peur. Donc, ce que j'ai capté vibratoirement, c'est que, à quelque part, derrière ce geste-là, ben c'est une confirmation de la peur. Hein? C'est comme quelqu'un qui va mettre une paire de gants. « Ah, je suis pas sûr, je vais mettre deux gants. » Donc, je sais pas si le doute amène à amener plus de masques. Là, on va voir si ça va devenir une mode ou une tendance au Québec. Mais la peur peut faire toutes sortes de choses. Et un individu qui, dans son quotidien, est quand même assez doux, il est assez à son affaire, et il suffit que cet individu soit happé par la peur pour, dans certains cas, en faire un vrai tyran. Donc, autrement dit, quelqu'un qui a vraiment peur peut chercher à dominer les autres au nom de sa peur. Et la problématique, c'est que si des dirigeants de certains pays ont très peur d'un virus et agissent en croyant faire le bien pour l'humanité, en contraignant d'une manière très stricte, très sévère, leur population, ça peut être extrêmement étouffant par rapport à la population, puis c'est possible que le problème qu'ils cherchaient à éviter ou à prévenir, donc le remède à la maladie que représente le coronavirus, soit pire que ce dernier en termes de dommages collatéraux et de division sociale. Voilà ce que je voulais dire par rapport à ça. Sinon, en fait, je me pose la question présentement à savoir si on ne se dirige pas vers une apartheid sanitaire. Je m'explique. En Israël, les gyms, donc les salles d'entraînement et les autres commerces comme les cinémas, sont à présent ouverts pour les vaccinés seulement. Donc, vous allez avoir l'article en bas de l'enregistrement. Donc, les gens, lorsqu'ils sont vaccinés, eh bien, ils peuvent avoir accès à certains lieux publics qui autrefois étaient accessibles à l'ensemble de la population. Mais là, il y a une discrimination qui s'installe et la population devient divisée en deux groupes. Au sein d'Israël, c'est les gens qui sont vaccinés puis les gens qui ne le sont pas. Et la société est en train de s'organiser dans cet esprit-là, dans ce pays-là, mais aussi, éventuellement, ailleurs dans le monde. Donc, c'est sûr que c'est très préoccupant, ce type de tendance-là, parce que ça peut amener une forme d'apartheid différente. Donc, autrefois, en Afrique du Sud et également dans le sud des États-Unis, il y a une forme d'apartheid, c'est-à-dire une séparation, une ségrégation de la population en fonction de l'ethnie, en fonction de la couleur de la peau. Donc, vous aviez des lieux aux États-Unis avec des toilettes qui étaient réservées aux gens qui avaient la peau blanche. Donc, les Noirs ne pouvaient pas aller. Même chose pour certains commerces, que ce soit des restaurants ou même l'autobus. C'est sûr que vous avez l'événement historique qui a eu cours aux États-Unis où une dame noire qui s'était fait demander par le chauffeur d'aller à l'arrière de l'autobus dans la zone réservée aux personnes de couleur qui a refusé, qui a tenu tête donc au conducteur de l'autobus, et ça a amené un changement social parce que autrefois aux États-Unis, dans les autobus, il y a une section pour les blancs à l'avant et les noirs à l'arrière. Donc il y avait une ségrégation qui était présente, et le danger dans la gestion de crise, c'est qu'il y ait l'apparition d'une ségrégation non pas en fonction de la couleur de la peau, de l'ethnicité, mais plutôt du statut virologique qui soit mis en place par les autorités sanitaires et, encore une fois, au nom de la peur, qu'il y ait de la contamination, des foyers d'éclosion, ainsi de suite. Donc, on crée une société à des citoyens de deux castes différentes, donc des gens qui vont avoir leur passeport vaccinal électronique, donc c'est une possibilité, avec une badge là, électronique ou une puce sous la peau, ils peuvent avoir différents moyens là, par rapport à ça. Ils vont pouvoir entrer dans les commerces, aller au restaurant, aller prendre le café, aller au cinéma, s'entraîner en salle et les autres. Et c'est sûr que quand il y a de la division entre des citoyens, ça peut amener des dérapages et des abus importants. Prenons par exemple le cas de l'Allemagne nazie, où des Juifs ont été progressivement exclus de la société, donc avec les lois qui ont été mises en place où les non-Juifs pouvaient avoir accès au commerce, par exemple, aller à un café et les Juifs ne pouvaient pas. Et progressivement, les droits et les libertés des gens de religion hébraïque ont été retirés. Et c'est sûr que ça a été déplorable parce que ça a amené à des abus d'autorité. À un moment donné, les Juifs sont limités par rapport à ce qu'ils peuvent posséder, l'argent qu'ils peuvent avoir. Ensuite, ils ne peuvent pas marcher sur le trottoir en Pologne, lorsque la Pologne a été occupée, donc dans les pays voisins de l'Allemagne. Ensuite, ils ont été dépossédés de leurs biens. Donc, il y a eu toutes sortes de dérapages qui ont été faits en relation avec une discrimination systématique de la société. Et c'est sûr que présentement, je trouve curieux d'apprendre qu'Israël, qui comporte naturellement de nombreux Juifs, dont plusieurs sont des descendants ou des gens, des membres des familles, des gens qui ont connu en Allemagne, là, malheureusement, là, la période de l'occupation nazie, la période du nazisme qui a été très dure, qui a été lieu de ségrégation, et là, on met en place des politiques discriminatoires en Israël. C'est sûr que ce n'est pas en relation avec la religion, l'ethnie, etc., mais le statut vaccinal. Et là, ce qui risque d'arriver, c'est que d'autres pays dans le monde suivent l'exemple d'Israël. Et c'est sûr que il y a quelques jours, j'ai écouté un reportage dans un bulletin de nouvelles qui parlait d'Israël avec ces mesures-là, puis on vantait ça, on disait « enfin, les citoyens, ils sont heureux, ils peuvent reprendre une vie normale et grâce à ces mesures-là, avec le passeport vaccinal, eh bien, ça permet aux gens de faire certaines activités en toute sécurité, puis on essaie de nous présenter les bienfaits puis les vertus de tout ça, puis nous vendre ça comme une solution ». Et quand que j'écoutais ça, je me suis dit c'est un ballon d'essai pour préparer le terrain pour le Québec. Et en écoutant le bulletin de nouvelles de ce soir, donc de TVA, au moment où est produit cet enregistrement, et vous allez pouvoir vous partager le lien, on apprend que Québec envisage l'implantation à court terme d'un passeport vaccinal numérique qui pourrait notamment permettre aux Québécois vaccinés d'assister à certains lieux. Donc, le ministre de la Santé, Christian Dubé, a confirmé jeudi en point de presse que le gouvernement évaluait cette possibilité à l'instar de plusieurs autres pays dans le monde. Un Québécois qui a reçu les deux doses du vaccin contre la COVID-19 pourrait, par exemple, présenter sa certification vaccinale numérique à l'entrée d'une salle de spectacle afin d'y avoir accès. Donc, on nous a présenté dans le bulletin de nouvelles Israël en nous donnant l'idée que c'est une bonne idée, le passeport vaccinal, puis c'est bien. Puis là, tranquillement, on nous présente les chefs des gouvernements de notre gouvernement, là, dont Christian Dubé, qui en discute publiquement. Donc, on cherche à préparer le terrain pour ça ici. Et je sais que c'est la même chose aussi pour d'autres pays dans l'article, parce que là, tantôt, j'ai lu quelques extraits de l'article, je vais vous en lire encore d'autres. Ce qui est indiqué, c'est que plusieurs pays européens, comme la Grèce, l'Espagne et l'Italie, misent notamment sur l'implantation de documents semblables afin de relancer leur industrie touristique. En Israël, le passeport vaccinal est déjà implanté, mais l'idée continue de faire débat. La France et l'Allemagne ont notamment exprimé des réticences, jugeant l'idée encore prématurée. Ben, j'espère qu'il y a des gens qui vont s'opposer à ça parce que ça peut ouvrir la porte à des abus. Et il y a un adage qui dit, puis je le répète et le répète au fil des entretiens que j'effectue sur le web et des enregistrements un peu partout, que l'enfer, le chemin qui mène à l'enfer est pavé de bonnes intentions. Donc, des gens très spirituels peuvent dire, bon, on va limiter la propagation du virus en mettant en place cette mesure-là avec une certaine naïveté. Et en faisant ça, ben, tranquillement, on tisse les murs de notre prison sociale où, progressivement, on peut isoler des gens en restreignant l'accès à des lieux publics. Puis on va dire « Ah, c'est temporaire le temps là, que le coronavirus soit neutralisé. » Puis progressivement, curieusement, ben, à mesure que la quantité de vaccins est de plus en plus disponible pour la population, on apprend qu'en parallèle, il y a des nouveaux variants qui arrive sur le marché, donc le variant de l'Amérique du Sud, le variant du Brésil, le variant de la Grande-Bretagne, et là, il y en a le variant finlandais, il y en a plusieurs. Et là, progressivement, ce que ça nous amène à l'idée, bien là, il va falloir voir si le vaccin est valide à l'égard des nouveaux variants. Donc, à ce moment-là, il y a encore des risques de menace du coronavirus qui fait en sorte que si les gens sont vaccinés, il ne faut pas qu'ils baissent la garde au cas où qu'ils attrapent un variant, puis au cas où que, à quelque part, le variant, dans le fond, ne puisse pas être neutralisé là, par la vaccination ou que les effets soient diminués. Donc, présentement, j'ai l'impression qu'il y a une dynamique qui est mise en place, qu'on nous dit « Ah, ça va être temporaire » ou s'il y a le vaccin numérique, pas le vaccin, pardon, le dossier vaccinal numérique, « Ah, ça va être temporaire », mais finalement, les mois passent et il y a toujours des raisons qui font en sorte que la crise sanitaire perdure. Donc, on va voir vers où est-ce qu'on se dirige. En tout cas, c'est très préoccupant. Et c'est surtout que les questions du passeport numérique pourraient mener à différents abus. C'est sûr qu'on va nous vendre la numérisation de son identité. Donc, l'identité numérique, je pense que par rapport au 21e siècle, donc le siècle présent, ça va être un des enjeux très importants. Donc, à chaque individu, on va vouloir associer une identité numérique où, à travers cette identité-là, la personne va avoir accès à ses données personnelles au niveau gouvernemental, son compte financier pour faire des transactions. Ensuite, on va avoir accès à ses notes scolaires. En fait, ça va être un petit peu comme le crédit social en Chine. Ça pourrait mener à ça. Donc, la numérisation des données se rapportant des individus peut servir en tant que technologie de contrôle à surveiller d'une manière très pointue, très aiguisée les gens quand ils font des achats, quand ils vont sur les réseaux sociaux, quand ils utilisent leur véhicule automobile par un système coordonné en relation avec une infrastructure numérique importante de type Big Data qui permet d'entreposer des grandes quantités sur des citoyens qui va faire en sorte que l'espionnage des citoyens va être facilité. On va pouvoir observer les gens en temps réel en relation avec leur identité numérique puis leur activité qu'ils font en lien avec elle. Donc, ça peut amener à des abus d'autorité et de pouvoir, dans le sens que quelqu'un qui est un mauvais citoyen, ben on fait disparaître son fonds de pension ou son argent. Il peut avoir des mesures coercitives, un peu comme le crédit social où la personne perd des points si elle n'agit pas en bonne citoyen aux yeux de l'État. Et si elle fait de la délation, comme en Chine, où ce système-là est mis en place, ce n'est pas de la science-fiction. Donc, si vous allez voir le documentaire de ART, 7 milliards d'individus citoyens, sous surveillance ou potentiellement en voie de surveillance, je ne me rappelle pas exactement du titre, mais l'information est là, est présente et ça se déroule sous nos yeux en Chine. Et c'est sûr que la possibilité que le coronavirus serve de prétexte pour l'implantation de telles mesures dans les pays occidentaux, m'apparaît de plus en plus plausible. Il y a quelques semaines, je discutais avec des gens la possibilité qu'on exige une preuve que je sois vacciné, par exemple, pour aller au cinéma ou aller au restaurant. Puis là, les gens disent « Ah, c'est de la science-fiction » ou « aller en salle d'entraînement ». Bien là, présentement, c'est réalité à Israël. Et là, on nous dit qu'on envisage ça pour le Québec. Comme dans le passé, on envisageait le traçage numérique et c'est actualisé. Ensuite, on envisageait le port du masque obligatoire. On envisage des choses. Donc, tranquillement, on prépare le terrain, l'opinion publique, en disant qu'on y réfléchit. Et par la suite, il y a la possibilité d'une phase d'implantation. Donc, on cherche à créer l'acceptabilité sociale par rapport à quelque chose que les gens, en temps normal, n'accepteraient pas. Et progressivement, ben, ça devient la norme. Donc, c'est sûr qu'avant la crise du coronavirus, de dire aux gens de porter un masque pour aller sur des lieux publics intérieurs, au Québec, les gens n'auraient jamais voulu. Ensuite, leurs enfants, à partir de l'âge de 6 ans, comme ça va être le cas bientôt, qu'ils portent le masque à l'école, ils auraient dit « Mais non, vous allez entraver le développement de mon enfant, ça n'a pas de bon sens. » Mais aujourd'hui, je ne vois pas beaucoup de voix qui s'opposent à cela. En fait, c'est l'autre sujet que je vais vous parler. C'est que le gouvernement québécois cherche maintenant à masquer les élèves du primaire, soit des enfants à partir de l'âge de 6 ans, dès la première année. Donc, on nous a annoncé ça récemment. Ça va entrer en vigueur là, dans les prochains jours. Et on nous dit que cette fois-ci, la santé publique québécoise a autorisé ça, a fait ça comme recommandation au gouvernement. Comme mesure, je ne sais pas sur quelle science il s'appuie, là, mais en tout cas, Je me pose sincèrement la question à quel point c'est dans l'intérêt du développement de l'enfant, de sa croissance sur le plan biologique, cognitif, émotionnel, de lui mettre un masque au visage à partir de l'âge de 6 ans. On va nous dire que c'est d'intérêt public pour la santé générale, que en faisant ça, ça va éviter la contamination par rapport aux nouveaux variants. Puis là, on met l'emphase sur la menace des nouveaux variants pour justifier une telle mesure. Mais il y a une gradation à travers les mesures au fil des mois. Il y a du gradualisme. J'avais écouté l'automne passé une émission, entre autres, de Jonas Collin, qui anime le Collin Show, qui n'est plus disponible aujourd'hui sur YouTube, car sa chaîne a été censurée, selon son propos. Mais on peut le retrouver sur Odyssey.com. Donc, il fait encore... pas Odyssey, pardon. Odyssey, c'est Alexis Cossette. Il y en a plusieurs autres, mais lui... vous allez aller sur sa page Facebook, puis vous allez avoir un lien là, qui permet de retracer là, sa chaîne, qui est sur Patreon. Donc, à un moment donné, ça devient mélangeant, hein, parce que des gens qui étaient sur YouTube vont sur Odyssey, Patreon. Il y a d'autres plateformes aussi, je ne les ai pas toutes numérisées les noms, là, mais bref, lui annonçait la possibilité que des jeunes enfants, de plus en plus jeunes, soient obligés de porter le masque. Et c'est ce qui s'est concrétisé au fil des mois. Donc, au début, on parlait des secondaires 4 et 5, donc des jeunes un peu plus avancés en âge, peut-être que des jeunes qui ont 16 ou 17 ans. Ensuite, secondaire 3, à peu près 15 ans. Puis là, on a descendu tout le secondaire, peut-être à partir de 12 ans. Puis là, à partir de la première année, en zone rouge, mais c'est sûr que l'essentiel de la province présentement est en zone rouge. Essentiellement, c'est beaucoup de jeunes au Québec, là. Et bref, les mesures ont descendu, puis progressivement, l'idée que c'est normal de porter un masque s'implante au fil des mois. Donc, l'idée de porter un masque en tout temps. Et aujourd'hui, je vois pas tellement d'opposition présentement, là. C'est sûr que, honnêtement, là, je suis heureux de pas être un parent. Je suis heureux de ne pas avoir d'enfant parce que je trouverais ça extrêmement difficile d'apprendre que si j'avais des enfants à l'âge de 16 ou 7 ans, là, de 6 ou 7 ans en fait, qui seraient obligés de porter un masque à l'école, là, je trouverais que ça, c'est un non-sens. Moi, je me pose sincèrement des questions, à savoir les pédopsychiatres, donc les gens qui font de la psychiatrie auprès d'enfants, les spécialistes du développement. Vous trouvez ça normal que le gouvernement fasse ça? C'est sûr que, bon, il y avait eu des spécialistes dans le domaine médical qui s'étaient prononcés à l'automne dernier en défaveur de l'obligation du port du masque dans les lieux intérieurs là, pour les enfants. Mais ça n'avait rien donné. Donc, le gouvernement a fait sourd oreille. Et c'est sûr que par rapport à ça, eux autres, leur initiative n'a pas amené de changement. Sinon, je voulais dire qu'il y a l'avocat, Maître Carlo Broussa, dont vous allez retrouver des vidéos se rapportant à lui en bas de l'enregistrement présent. Et lui, il suggère de mesurer l'effet du masque sur l'oxygénation des enfants pour en évaluer et documenter les effets avec un oxyomètre qui sert à évaluer la quantité d'oxygène dans l'organisme. Donc, c'est un appareil, un oxyomètre, un petit appareil qu'on peut mettre au bout d'un doigt et qui va servir à évaluer la quantité d'oxygène qui circule au sein de l'organisme humain et voir si, par exemple, auprès d'un enfant qui porte le masque pendant sa journée d'école, donc une fois que complété la journée d'école, après avoir porter le masque pendant plusieurs heures, si la quantité d'oxygène au sein de son organisme est plus faible, à ce moment-là, ça peut être problématique, là. Donc, il cherche à en faire l'évaluation sous une base journalière. Il suggère ça à certains parents dans l'optique de faire un recours collectif par rapport au gouvernement qui impose ces mesures-là. Donc, de les documenter avec plusieurs cas, plusieurs personnes. Et c'est sûr que de priver un être humain en développement là, d'oxygène, là, c'est de voir aussi les impacts dommageables là, naturellement là, par rapport à, c'est sûr, là, à sa vie future. Donc, c'est de voir est-ce que le port du masque obligatoire va hypothéquer le développement cognitif de l'enfant Donc, c'est sûr, si le cerveau n'est pas alimenté d'une manière adéquate en oxygène, voir si ça peut nuire. Ensuite, est-ce que ça peut hypothéquer son développement émotionnel? Bon, c'est sûr que si l'enfant est en présence de d'autres enfants ou d'autres individus qui ont le masque au visage, est-ce que ça va nuire, par exemple, au développement de sa capacité à reconnaître des émotions chez autrui, les détecter, de comprendre le non-verbal? Donc, est-ce que ça va l'empiéter à ce niveau-là? Donc, c'est toutes des questions qui sont soulevées sur l'impact de ça. Et c'est sûr que de documenter à travers du concret, comme un oxyomètre, l'impact que cela a sur un organisme humain, c'est sûr que c'est intéressant à faire comme étude. Et c'est sûr que je suis curieux de voir là, si des gens au Québec là, vont empointer le pas par rapport à ça. Et exiger au gouvernement qui donne des comptes à la population, là, parce que si le gouvernement met en place des mesures qui sont extrêmement préjudiciables à des êtres très vulnérables en société, comme des enfants de 6 ans, en plein cœur de leur développement, ben c'est sûr que, dans le fond, il y a un prix à payer par rapport à ça, là. Donc, honnêtement, là, j'espère de ne pas assister à un scandale aussi grand que celui des orphelins de Duplessis. Donc, dans un passé pas si lointain au Québec, à peine quelques décennies, eh bien, il y a des enfants qui étaient orphelins, qui étaient placés dans des orphelinats et qui auraient été victimes, là, à différents niveaux de préjudice, là. Donc, c'est sûr qu'il y a été question, entre autres, dans les médias, là, d'enfants dans des orphelinats qui auraient été victimes d'agressions sexuelles, de violences physiques, où il y a des gens qui auraient été mis dans des institutions psychiatriques alors qu'il n'y avait pas de problème de santé mentale. Donc, il y a eu des abus importants qui auraient été faits à des orphelins dans le passé. Et mon questionnement est de savoir, est-ce que présentement les mesures qui sont prises, qui sont imposées à des jeunes enfants, vont avoir des impacts qui vont faire en sorte qu'il y aura des recours collectifs là, qui vont être faits, là, que, en fait, qu'on va se retrouver avec une génération sacrifiée, là, hypothéquée dans son développement. Là. C'est vraiment la question que je me pose. La génération COVID, présentement, qui se développe. Donc, est-ce que si la crise perdure ou on cherche à la faire perdurer, ces êtres-là vont avoir été nuits dans leur développement, là. Donc, c'est la question que je me pose. C'est sûr que, donc, je demeure attentif là, par rapport à l'initiative de Carlo Brusca. Bon, il y a eu plusieurs initiatives qui ont été mises en place, notamment là, sur le plan juridique, là, avec la Fondation des droits et libertés pour entamer un recours pour mettre fin aux mesures ici au Québec. Je ne sais pas si il y a des gens là, d'organismes qui visent à la défense des droits et libertés vont faire la promotion là, de ce qu'ils nous proposent. Donc, en termes d'évaluation, on verra bien. Mais présentement, là, par rapport à tout ce qui se passe, c'est sûr qu'on vit dans une période qui est critique par rapport à l'humanité. Et c'est une période qui est sombre, ouais. Qui est sombre parce que il y a beaucoup de mesures qui sont mises sur une base arbitraire. Et on est pris dans un scénario de planète expérimentale. Et c'est sûr que ce qui me contrarie en tant qu'individu, c'est le fait que les gens au gouvernement font des essais et des erreurs sur le plan expérimental avec une certaine inconscience. Donc, c'est sûr que moi, j'ai l'impression qu'éventuellement, il y aura des gens de nos autorités gouvernementales qui vont être traduits en justice et qui auront à s'excuser parce que il peut y avoir un manque de sensibilité très grand à priver de gens de liberté en croyant faire le bien, mais étant voilé de par les impacts néfastes que ça peut engendrer ou une mauvaise évaluation des coûts-bénéfices si on le prend sur le plan intellectuel. Donc, c'est sûr qu'il y a des gens qui vont dire « Ah, c'est à court terme, là, on leur force aux jeunes à porter le masque, etc. » Mais c'est de voir si ça ne peut pas engendrer des traumatismes à long terme ou des dommages irrécupérables par la suite en termes de sous-stimulation au niveau perception cognitive, activité physique. On empêche les jeunes de faire du sport, il y a l'augmentation de l'obésité. Donc, c'est de voir si, en voulant mettre une solution à court terme, on dit « Ah, c'est des sacrifices à court terme », si ça n'aura pas des répercussions à long terme plus dramatiques que ce qu'on voulait empêcher. Donc, ça, c'est sûr que c'est la grande question, hein, en lien avec tout ce qui se passe. Donc, que des gens ne resteront pas traumatisés à vie de la crise ou même perdre... Mais en tout cas, il y a des gens qui ont déjà commencé à perdre la vie en lien avec la crise parce qu'il y a eu des cas de suicide, là, naturellement, en relation avec ça. Donc, on verra bien. Je ne veux pas, dans le fond, créer de l'anxiété par rapport à l'avenir en lien avec ça, là. Peut-être que les choses vont rentrer dans l'ordre dans les prochaines semaines. Je suis plutôt pessimiste, mais... On verra bien. Il ne faut pas que je fasse de prédictions non plus. Je vais me tenir tranquille en complétant cet enregistrement, mais en invitant les gens à être critiques puis à observer au fil des semaines l'enchaînement des choses. Donc, il y a plusieurs mois, on pouvait parler du fait, comme je disais, puis je vais arrêter de me répéter après, là, que... il allait avoir des jeunes en bas âge qui allaient porter le masque. Puis il y a des gens qui vont dire « ça se peut pas, on peut pas faire ça à des jeunes enfants ». Mais on vient à un stade qu'à force d'être hypnotisé par les médias qui nous répètent que le virus est dangereux, le virus est une menace, que tranquillement on forge l'acceptabilité sociale. C'est comme si, à l'image de la fameuse histoire de la grenouille qui est dans un chaudron avec de l'eau, qu'on augmente progressivement la température de l'eau. La grenouille ne parle pas, elle reste là. L'eau est un petit peu plus chaude, elle reste toujours là. L'eau est un petit peu plus chaude, elle reste toujours là. Puis finalement, elle devient de plus en plus léthargique dans l'eau chaude. Et tranquillement, ben, elle vient comme à s'endormir. Puis finalement, elle meurt ébouillantée. Donc, l'idée, c'est qu'en y allant avec des mesures progressives et graduelles, l'enchaînement, la logique de ça, puis d'où ce qu'on vient, avant ça, c'est comme si ça s'efface progressivement. Et la nouvelle normalité... en lien avec la crise, devient de plus en plus adoptée par consensus social, par acceptabilité sociale, comme étant ce qui est normal. Donc, ce qu'on nous vend comme étant normal par les médias et la TV, ben, à force de nourrir ça comme égrégore, comme structure sociale, les gens viennent à croire que c'est ça qui est normal, c'est ça qui est souhaitable pour un être humain, de vivre dans des conditions où ce que les gens se surveillent puis qu'il y a éventuellement là, des passeports sanitaires pour aller dans des lieux publics. On nous vend cette idée-là. Puis un peu comme la grenouille, si on est endormi, ben, l'eau chaude ou la tension énergétique ou les mesures sanitaires augmentent. Puis on ne parle pas trop. Il augmente encore, on ne parle pas trop. Puis finalement, ben à un moment donné, ben on risque d'en payer le prix là, de cette escalade-là de mesures sanitaires qui se déroule petit par petit peu à chaque jour. C'est sûr qu'en tant qu'individu, pour les gens qui me suivent depuis plusieurs mois, ben, j'avais été à des manifestations, entre autres, j'en avais parlé dans des enregistrements, notamment une là, qui avait eu cours là, à Saint-Georges, une ville qui est au Québec, là, où les gens se avaient manifesté pour s'y opposer. J'avais été aussi à une manifestation à Tête-Fermaine. Bon, ça n'a pas amené de changement. J'avais donné de l'argent pour la défense des droits et libertés pour qu'il y ait en cours pour mettre fin aux mesures sur le plan juridique. Ça n'a pas, à l'heure actuelle, à ma connaissance, donné place à des changements. J'avais signé des pétitions en ligne. J'avais même invité des gens à signer pour s'y opposer aux mesures. Ça n'a pas changé des choses. Donc, moi, j'ai fait certaines choses, puis j'en suis bien content. Et puis, tout ça pour vous dire que tout se fait progressivement à l'agenda. Puis là, l'histoire du passeport numérique se concrétise de plus en plus. Bien, ça donne suite à des propos qui avaient été amenés lors de l'automne passé avec l'histoire du grand reset, où que chaque individu va avoir une identité numérique, c'est-à-dire que l'agenda transhumaniste... où les gens vont être de plus en plus reliés aux machines et en étant liés aux machines, ça donne de plus en plus de pouvoir aux individus qui contrôlent des machines, les surveiller à distance et épier leur moindre mouvement. Et c'est sûr que par rapport à tout ce qui se passe, il ne faut pas sombrer dans la déprime, naturellement. Il faut être conscient que les formes qu'on va implanter n'arriveront jamais à neutraliser l'intelligence créative de l'esprit. Car l'esprit est au-delà des formes. Quand même qu'on développe des ordinateurs super sophistiqués avec des grandes banques de données sur chacun des citoyens, puis on cherche à travers ça à contrôler puis à développer une espèce d'intelligence globale avec des algorithmes pour conditionner de plus en plus d'une manière efficace les citoyens, il faut fonctionner à partir de notre intériorité qui nous relie à l'esprit, qui est par-delà le conditionnement social. Et la seule façon de résister à l'hypnose collective qui est véhiculée par les médias de masse à travers les médias, avec très grande force, à coups de millions à chaque mois, c'est rester centrique et s'écouter d'abord. Pas écouter qu'est-ce qu'eux autres disent, pas écouter ce que les voisins ou moi-même, qu'est-ce que je peux dire. Écoutez-vous d'abord pour rester centrique, pour faire ce que vous avez à faire dans votre vie, puis pour pas vous laisser déstabiliser par tout ce climat de peur anxiogène qu'on cherche à faire perdurer à l'ensemble des pays occidentaux pour créer une déstabilisation sociale à travers la crise du coronavirus. Donc, soyez pas naïfs par rapport à qu'est-ce qui se passe. Quand on vous dit que le gouvernement veut votre bien, là, ben, à regarder objectivement qu'est-ce qui se passe. On dit qu'on met en place des mesures pour notre bien, puis finalement, on se ramasse avec une augmentation de l'obésité chez les jeunes. Ensuite, il y a des gens qui ont des problèmes de santé mentale, dépression. On parle aussi de cas de suicide en lien avec la crise, de gens qui sont déprimés parce que leur commerce ferme. Donc, à regarder les deux côtés de la médaille, là. Donc, c'est sûr que quand les gens sont confrontés au fait qu'il y a des gens qui souffrent des mesures qui sont mises en place au nom de la santé, puis ils voient la santé de gens se détériorer, bien, à un moment donné, il va y avoir des remises en question qui vont se faire, là. La croyance aveugle qu'on nous dit de porter le masque puis de suivre les mesures, puis tout le monde va être heureux, on voit bien qu'à quelque part, ça donne pas ça comme résultat. Fait que là, à un moment donné, l'esprit critique va arriver. Et malheureusement, c'est souvent à travers la souffrance que les gens se sortent de croyances aveugles. Et ça sera peut-être à travers les contre-coups, ce que certains appellent les dommages collatéraux liés aux mesures de gestion de crise de coronavirus, que certaines consciences vont vivre des chocs de réalité qui vont leur faire réaliser que finalement, les gens qui gouvernent les pays là, sont pas parfaits, ils ont pas toutes les réponses, c'est pas nécessairement des sauveurs, donc faut arrêter de les idéaliser et à quelque part, il va avoir une restitution des gens qui vont chercher à reprendre leur pouvoir sur leur vie et sur leur santé. Parce que là, si on nous dit que le vaccin, c'est la solution de sortie de crise, puis finalement, ben, s'il y a des gens qui ont le vaccin, ils ont des effets secondaires, finalement, ben là, le vaccin n'est pas parfait, hein, il n'empêche pas d'attraper le coronavirus si on parle des vaccins à ARN. Ben, finalement, en voyant les lacunes de tout ça, ça va amener une relativisation. Mais tout ça pour vous dire que j'observe l'actualité par rapport à qu'est-ce qui se passe, parce que c'est une expérience sociale sans précédent, là. La crise du coronavirus, c'est une expérience de grande importance que nous connaissons, qui nous dévoile des choses par rapport à nous-mêmes, les peurs qu'on peut avoir, les peurs que nos dirigeants peuvent avoir, les manipulations que peut faire le lobby pharmaceutique, qui sont dépeints notamment là, à travers des documentaires comme celui d'Hold Up, que je vous propose d'écouter si ce n'est pas déjà fait. Donc, par rapport à certaines compagnies qui veulent mettre de l'avant leur vaccin, puis en même temps, il y a d'autres produits qui coûtent moins cher, là, comme... le produit que parle Didier Raoult depuis plusieurs mois, là, l'hydroxychloroquine qui ont été dévalorisés. Donc, il faut voir clair par rapport à ce qui se passe. C'est très révélateur sur la nature de l'être humain. Donc, pour moi, la crise du coronavirus, c'est un événement charnière que nous connaissons dans l'histoire de l'humanité, au même titre que la Première Guerre mondiale, la Deuxième Guerre mondiale. Donc, il y aura sans doute des historiens dans le futur qui parleront de la crise du coronavirus comme étant une période marquante où la science a fait des bons gigantesques dans le domaine de la virologie et dans l'étude de l'impact d'un virus sur une population et les moyens d'en faire la gestion, car il y a plusieurs pays qui adoptent des stratégies différentes. Donc, voilà ce que je voulais mentionner. Je vous dis à bientôt. Merci de votre écoute. Bye-bye.